si on tentait le coup de tout recommencer, reprendre exactement où on s'est arrêté. On le joue comme un jeu, on a tout à gagner. On dit qu'une fois sur deux, ça peut marcher. La seule règle essentielle, la figure imposée, jeter à la poubelle qui nous avons été. Je sais que c'est pas facile, oh non, c'est pas facile. Mais la facilité, c'est une rivière tranquille, une corde pour se noyer. Je sais que c'est pas facile, oh non, c'est pas facile. Mais la facilité, c'est une rivière tranquille, une corde pour se noyer. Une corde pour se noyer. Imagine que l'envie qui nous a attirés nous ramène à la nuit où tout a commencé. On joue l'oubli complet, on ne se rappelle de rien. Deviens qui tu étais quand j'en ai eu besoin. La seule règle à tenir, la figure imposée, ne rien se souvenir, aimer, seulement s'aimer. Je sais que c'est pas facile, oh non, c'est pas facile. Mais la facilité, c'est une rivière tranquille, une corde pour se noyer. Une corde pour se noyer. Je sais que c'est pas facile, oh non, c'est pas facile. Mais se redécouvrir, renaître après mourir, être et avoir été. Je sais que c'est pas facile, oh non, c'est pas facile. Mais la facilité, c'est une rivière tranquille, une corde pour se noyer. Une corde pour se noyer.